Chapitre 3. Une course en rond et une histoire en queue de rat. Ce fut vraiment une assemblée curieuse que celle qui se tint ensuite sur le rivage. Les oiseaux avec leurs plumes toutes souillées de boue, certains animaux avec leurs fourrures collées à la peau, chacun enfin trempé, sale, maussade et frissonnant. La première question qui se posa fut naturellement de savoir comment l'on s'y prendrait pour se sécher. On tint conseil, on discuta, et Alice prit part au débat sans trouver le moins du monde étrange qu'elle fût là, à causer familièrement avec des animaux. Il y eut une interminable discussion entre Alice et le merle, et je dois à la vérité de dire que celui-ci t'en vint à tourner le dos à la demoiselle avec assez d'humeur et en déclarant sèchement « Étant donné mon âge, je suis à même de savoir ça mieux que vous. » Or, ça, Alice ne pouvait pas consentir à le lui accorder avant qu'il se fût décidé à avouer son âge. Et comme le merle se refusait obstinément à faire connaître le nombre de ses années, la discussion finit par tomber d'elle-même. Quand on eut bien perdu son temps à se disputer, à crier inutilement, le rat, qui était un sage et qui paraissait jouir d'une certaine autorité sur ses compagnons, leur imposa silence et parla en ces termes. « Messieurs et dames, tous tant que vous êtes, veuillez vous asseoir et prêtez-moi quelques instants une oreille attentive. » Je vais avoir l'honneur de vous indiquer le bon moyen de vous sécher promptement et sûrement. » Alors ils prirent place, formant autour du rat un cercle attentif. Alice surtout s'apprêta à ne pas perdre une syllabe de l'utile conseil, car elle commençait à éternuer et à s'enrhumer. « Y êtes-vous ? » demanda le rat avec quelque importance. « Voici donc le plus sûr moyen de se sécher que je connaisse. Silence à la ronde, je vous en prie. Je commence. Guillaume le Conquérant, dont la cause était patronnée par le pape, fut bientôt reconnu par les Anglais, qui avaient besoin d'un chef et qui étaient depuis longtemps habitués à l'usurpation et au droit de la conquête. » Edwin et Morcar, comtes de Mercy et de Northumbrie. Brrr ! Interrompit le merle en frissonnant. Vous dites ? Interrogea le rat en fronçant le sourcil. Mais il ajouta avec infiniment de bonne grâce. Vous parliez, n'est-il pas vrai, cher monsieur ? Mais non, pas du tout, répondit le merle plutôt gêné. Il m'avait semblé, conclut le rat. L'incident est clos, je continue. Donc, Edwin et Morcar, comtes de Mercy et de Northumbrie, se déclarèrent pour lui et même Stigand, l'archevêque patriote de Canterbury, trouva la chose tout à fait sage. Trouva quoi ? Demanda le canard. Trouva la chose, répliqua le rat, furieux de l'interruption. J'imagine que vous savez ce que chose veut dire. Ma foi ! Avoua le canard, je sais très bien ce que chose veut dire quand il s'agit, par exemple, d'une chose que je trouve à manger, en l'occurrence une grenouille ou un ver de terre. La question ici est précisément de savoir ce que trouva l'archevêque. Le rat affecta de passer outre et il continua. L'archevêque trouva donc la chose tout à fait sage d'aller avec Edgar Atheling à la rencontre de Guillaume, et de lui offrir la couronne. Guillaume se conduisit d'abord avec modération, mais l'insolence de ces Normands... Ici, brusquement, le rat s'interrompit, et se tournant vers Alice, « Comment vous trouvez-vous à présent, chère demoiselle ?»« Plus mouillée que jamais, » déclara Alice d'une voix mélancolique. « Il me semble que tout cela ne me sèche pas le moins du monde. » Comme c'était l'avis de chacun, le pélican crut pouvoir émettre quelques nouvelles propositions. « Mes nobles seigneurs, » fit-il avec emphase et en se dressant sur ses pattes, « j'ose attendre de la distinction de vos esprits l'adoption d'une pharmaceutique plus adéquate. » « Oh là là !» s'écria l'aiglon gouailleur. « Parlez un peu plus modestement, de grâce. Je ne comprends rien à vos grands mots, et d'ailleurs, vous-même, je parie que vous n'y voyez pas très clair. » Il y eut quelques sourires mal dissimulés dans l'assemblée. « J'allais tout simplement, reprit le pélican, vexé, dire que le meilleur moyen de bien nous sécher serait d'organiser une course à la Cocus. » « Qu'est-ce que c'est que ça, une course à la Cocus ? » demanda Alice. « Ma foi, répondit le pélican, vous ne verrez jamais aussi bien qu'en la courant ce que c'est qu'une course à la Cocus. Qu'on me permette de l'organiser. » Il traça d'abord sur le sable du rivage une grande piste en forme de cercle. « Ça n'a pas besoin d'être un cercle parfait, expliqua-t-il. Puis il plaça les concurrents les uns derrière les autres sur divers points de la piste, et enfin, leur ayant dit qu'ils n'avaient plus qu'à courir ainsi en rond, il donna le signal du départ. Ils coururent donc, tournèrent, s'arrêtèrent pour souffler, puis repartirent de plus belle. Et ce fut une course en rond qui sembla ne devoir jamais connaître de fin. Cependant vint le moment où, à force d'avoir couru, ils se trouvèrent tous réchauffés. Le pélican, qui attendait là l'efficacité de son excellent remède, proclama alors « Messieurs et mesdames, la course est terminée !» Tous l'entourèrent, le pressèrent, haletants et criant « Qui a gagné ?» Le pélican, qui ne s'attendait vraisemblablement pas à cette question, en parut fort embarrassé. Il fit un effort suprême de réflexion et demeura quelques instants l'œil grave, un doigt sur le front, exactement dans l'attitude de Shakespeare pensant. On attendait en silence. À la fin, il déclara « Tout le monde a gagné et chacun doit avoir un prix. » « Mais qu'est-ce qui donnera les prix et quels seront ces prix ?» réclama un cœur de voix impatiente. « Les prix vont être offerts par mademoiselle, » dit le pélican en s'inclinant galamment devant Alice. Et toute la bande d'entourer la petite fille, criant confusément « Les prix, les prix !» Alice fut quelque peu embarrassée à son tour, et puis, ne trouvant pas mieux, elle tira de sa poche une boîte de dragées que l'eau, par bonheur, n'avait pas endommagée. Elle offrit les bonbons à la ronde en guise de prix. Il se trouva une dragée pour chacun, ce qui évita toute jalousie. Cependant, Alice, elle, ne reçut rien du tout, et le rat eut la délicatesse d'intervenir en sa faveur. « Mais cette demoiselle, ne doit-elle pas avoir un prix, elle aussi ?»« Sans doute, il convient, » répondit le pélican avec gravité. Et il ajouta, questionnant Alice, « Qu'avez-vous encore dans votre poche, mademoiselle ?»« Je n'ai plus qu'un dé, » avoua Alice tristement. « Veuillez me le remettre, » pria le pélican. Et le pélican, ayant pris délicatement le dé entre ses ongles, le présenta solennellement à Alice en prononçant majestueux « Nous vous prions, mademoiselle, de vouloir bien accepter l'hommage que nous vous faisons de ce joli dé. » À quoi toute l'assemblée se mit à applaudir chaudement. Alice jugea bien cette cérémonie un peu ridicule, mais ces honnêtes animaux avaient pris un air si sérieux qu'elle retint son petit sourire d'ironie et accepta le dé en s'inclinant avec toute la dignité convenable. Après quoi, chacun se mit en devoir de savourer le sucre et l'amande de sa dragée, ce qui n'alla pas sans quelque tapage, les gros oiseaux se plaignant de n'y sentir aucun goût et les petits manquant si bien de s'étouffer qu'il fallut leur taper dans le dos pour aider la dragée à descendre. « Vous m'avez promis de me conter votre histoire, » dit enfin Alice en s'adressant au rat. Et elle ajouta dans un souffle, craignant de l'offenser une troisième fois, « Parlez-nous des ch et des ch. » Le rat, voyant que toute la petite troupe le regardait d'un œil déjà intéressé, ne se fit pas trop prier et commença. « C'est une longue et triste histoire que la mienne, mes bons amis. » Et comme, en disant ces mots, il étalait les zigzags de sa queue sous les yeux d'Alice, celle-ci comprit mal et l'interrompit tout de suite. « Votre queue est longue, en effet, » fit-elle. « Mais pourquoi dites-vous qu'elle est triste ?» En anglais, le mot « tale »,« histoire » et le mot « tale », »,« queue », se prononcent à peu près de la même façon. Alice, distraite, entend l'un pour l'autre. Et Alice tomba dans une profonde méditation sur la question de savoir comment une queue de rat pouvait être triste. Cependant, le rat continuant à narrer ses aventures, son récit se présenta à l'esprit de la petite distraite à peu près dans la forme que voici. Les phrases, écrites dans un lettrage allant du plus grand au plus petit, suivent la forme de la queue du rat en zigzag. Furie le chien dit à un rat qu'il rencontra dans la maison « Allons tous les deux en justice. Je veux vous faire votre procès. Allons, venez vite, pas d'excuses. Je n'ai rien à faire ce matin. Je m'ennuie et cela me distraira. Mais, répondit le rat, un tel procès, cher monsieur, sans jury ni juge, me paraît quelque peu étrange. Je serai le juge, je serai le jury, répondit ce rusé de furie. Je veux instruire tout le procès et vous condamner à mort. Mais à quoi bon vous conter cette histoire ? S'interrompit ici le rat en regardant Alice, qui avait les yeux obstinément fixés sur la queue de l'orateur. « Vous ne m'écoutez même pas. »« Je vous demande pardon, » protesta Alice. « Je vous écoute très bien, au contraire. Vous en êtes à la cinquième courbe. »« Comment, à la cinquième courbe ? Que voulez-vous dire ? Ah, et puis j'en ai assez d'être insultée de la sorte. Je n'aime pas du tout vos sottes plaisanteries. Adieu. » Et le rat, absolument fâché cette fois, se leva et s'éloigna d'un pas rapide, sans détourner la tête. Alice fut dans la désolation. « Oh, revenez, rat chéri, ne nous abandonnez pas. Je ne voulais pas vous offenser, je vous assure. Mais vous prenez la mouche si facilement, » gémit-elle, tandis que toute la bande, presque aussi navrée, essayait de faire revenir le rat en criant « Revenez, finissez votre jolie histoire, cher monsieur. » Mais le cher monsieur fut inébranlable et, se mettant à courir, disparut bientôt. « Il faut y renoncer, quel dommage !» gémit le merle quand le rat fut hors de vue. Et une vieille mère crabe saisit l'occasion pour dire à sa fille « Ah, ma chère enfant, que cela te serve de leçon !» Il ne faut, vois-tu, jamais manquer de patience, de calme. » Et la jeune crabe de répondre avec impertinence et aigreur. « Le fait est, la mère, que vous en avez assez, vous, du calme, pour lasser la patience d'une huître. » « Ah, si Dinah était ici !» fit tout à coup Alice d'un air entendu. « Monsieur le rat serait vite rattrapé. Et sauf votre respect !» « Qui est Dinah, chère demoiselle ?» questionna le merle. Alice répondit avec bonne grâce, car elle avait toujours beaucoup de plaisir à parler de sa chatte. « Dinah est notre chatte, et il n'y en a pas deux comme elle pour attraper les souris, vous pouvez le croire. Et les oiseaux, donc, elle vous a une façon de sauter sur un oiseau et de le croquer en quatre coups de dents. » Je laisse à penser si ce discours fit sensation parmi la compagnie. Quelques oiseaux s'enfuirent sans plus attendre à tire d'aile. Une vieille margot lapie s'apprêta à prendre son vol, remarquant « Il est vraiment temps que je rentre, l'air de la nuit ne vaut rien à ma gorge. » Et un canari appela ses enfants d'une voix qui tremblait « Partons, mes chéris, nous devrions déjà être au nid. » Ainsi, sous des prétextes divers, tout le monde s'en alla, et Alice se trouva bientôt seule, abandonnée. « J'aurais peut-être mieux fait de ne pas parler de Dinah, » pensa-t-elle avec mélancolie. « C'est drôle, personne ici ne paraît l'aimer, et c'est pourtant la plus jolie chatte du monde. Oh, ma chère Dinah, qui sait si je te reverrai jamais ?» Triste, découragée, Alice, une fois encore, versa des larmes amères sur son étrange aventure. Et puis, un léger bruit de pas vint la tirer de cette désolation. Espérant que c'était le rat qui revenait vers elle pour achever de lui conter sa passionnante histoire, elle attendit, l'oreille aux aguets, mi-confiante, mi-anxieuse.